Aussitôt, la fée protectrice parut et lui dit « Vous venez de faire une chose qui me plaît infiniment. Vous saviez que cette eau pouvait embellir votre âme et votre personne. Je voulais voir lequel des deux aurait la préférence. Enfin, c'est votre âme qui l'a eue, je vous en loue, et cette action abrégera 4 ans de votre pénitence. » « Ne diminuez rien à mes peines, répliqua la reine, je les mérite toutes, mais soulagez, serpentin vert, qui n'en mérite aucune. » « J'y ferai mon possible, dit la fée en l'embrassant, mais au reste, puisque vous êtes si belle, je souhaite que vous quittiez le nom de laideronnette, qui ne vous convient plus, il faut vous appeler la reine discrète. » Elle disparut à ces mots, lui laissant une petite paire de souliers, si jolis et si bien brodés, qu'elle avait presque regret de les mettre. Quand elle fut remontée dans son chariot, tenant sa cruche pleine d'eau, les serins l'amenèrent droit au bois de la montagne. Il n'a jamais été un lieu si agréable. Les myrtes et les orangers joignaient leurs branches ensemble pour former de longues allées couvertes et des cabinets où le soleil ne pouvait pénétrer. Mille ruisseaux de fontaines qui coulaient doucement contribuaient à rafraîchir ce beau séjour. Mais ce qui était de plus rare, c'est que tous les animaux y parlaient et qu'ils firent le meilleur accueil du monde aux petits serins. « Nous croyons, leur dit-il, que vous nous aviez abandonnés. » « Le temps de notre pénitence n'est pas encore fini, » repartirent les serins. « Mais voici une reine que la fée protectrice nous a chargée d'amener. Prenez soin de la divertir autant que vous le pourrez. » En même temps, elle se vit entourée d'animaux de toutes espèces qui lui faisaient de grands compliments. « Vous serez notre reine, lui disait-il, il n'y a point de soins et de respect que vous ne deviez attendre de nous. »« Où suis-je ? » s'écria-t-elle, « par quel pouvoir surnaturel me parlez-vous ? » Un des petits serins qui ne la quittait point lui dit à l'oreille, « Il faut que vous sachiez, madame, que plusieurs fées s'étant mises à voyager, se chagrinèrent de voir des personnes tomber dans des défauts essentiels. Elles crurent d'abord qu'il suffirait de les avertir de se corriger. » Mais leurs soins furent inutiles, et venant tout d'un coup à se chagriner, elles les mirent en pénitence. Elles firent des perroquets, des pies et des poules, de celles qui parlaient trop, des pigeons, des moineaux, des serins et de petits chiens, des amants et des maîtresses, des singes de ceux qui contrefaisaient leurs amis, des cochons de certaines gens qui aimaient trop la bonne chair, des lions, des personnes colères. Enfin, le nombre de ceux qu'elles mirent en pénitence fut si grand que ce bois en est peuplé, de sorte que l'on y trouve des gens de toutes qualités et de toutes humeurs. « Parce que vous venez de me raconter, mon cher petit serin, lui dit la reine, j'ai lieu de croire que vous n'êtes ici que pour avoir trop aimé. »« Il est vrai, madame, répliqua le serin, je suis fils d'un grand d'Espagne. L'amour dans notre pays a des droits si absolus sur tous les cœurs que l'on ne s'y peut s'y soustraire sans tomber dans le crime de rébellion. » Un ambassadeur d'Angleterre arriva à la cour, il avait une fille d'une extrême beauté, mais dont l'humeur hautaine et piquante était insupportable. Malgré cela, je m'attachais à elle, je l'aimais jusqu'à l'adoration. Elle paraissait quelquefois sensible à mes soins, et d'autres fois elle me rebutait si fort qu'elle mettait ma patience à bout. Un jour qu'elle m'avait désespéré, une vénérable vieille m'aborda en me reprochant ma faiblesse, mais tout ce qu'elle put dire ne servit qu'à m'opiniâtrer. Elle s'en aperçut et s'en fâcha. « Je te condamne, dit-elle, à devenir serin de Canaries pour 3 ans, et ta maîtresse, Mouche-Guêpe. » Sur le champ, je sentis une métamorphose en moi, la plus extraordinaire du monde. Malgré mon affliction, je ne pus m'empêcher de voler dans le jardin de l'ambassadeur pour savoir quel serait le sort de sa fille. Mais j'y fus à peine que je la vis venir comme une grosse mouche-guêpe, bourdonnant 4 fois plus haut qu'une autre. Je voltigeai autour d'elle avec l'empressement d'un amant que rien ne pouvait détacher. Elle essaya plusieurs fois de me piquer. « Voulez-vous ma mort, belle guêpe ? » lui dis-je. « Il n'est pas nécessaire pour cela d'employer votre aiguillon. Il suffit que vous m'ordonniez de mourir, et je mourrai. » La guêpe ne me répondit rien. Elle s'abattit sur des fleurs qui eurent à souffrir de sa mauvaise humeur. Accablée de ses mépris et de mon état, je volai sans tenir aucune route certaine. J'arrivai enfin dans une des plus belles villes de l'univers que l'on nomme Paris. J'étais là, je me jetais sur une touffe de grands arbres qui était enclos de murs, et sans que je susse qui m'avait pris, je me trouvais à la porte d'une cage peinte de verre et garnie d'or. Les meubles et l'appartement étaient d'une magnificence qui me surprit. Aussitôt, une jeune personne vint me caresser et me parla avec tant de douceur que j'en fus charmé. Je ne demeurai guère dans sa chambre sans être instruit du secret de son cœur. Je vis venir chez elle une espèce de matamore, toujours furieux, qui, ne pouvant être satisfait, ne la chargeait pas seulement de reproches injustes, mais la battait à la laisser pour morte entre les bras de ses femmes. Je n'étais pas médiocrement affligé de lui voir souffrir un traitement si indigne, et ce qui m'en déplaisait davantage, c'est qu'il semblait que les coups dont il l'assommait avaient la vertu de réveiller toute la tendresse de cette jolie dame. Je souhaitais jour et nuit que les fées qui m'avaient rendu serein vinssent mettre quelque ordre à des amours si mal assortis. Mes désirs s'accomplirent, les fées parurent brusquement dans la chambre, comme l'amant furieux commençait son sabbat ordinaire. Elles le chargèrent de reproches et le condamnèrent à devenir loup. Pour la patiente personne qui souffrait qu'on la battît, elles en firent une brebis et les envoyèrent au bois de la montagne. À mon égard, je trouvai aisément le moyen de m'envoler. Je voulais voir les différentes cours de l'Europe. Je passai en Italie et le hasard me fit tomber entre les mains d'un homme qui, ayant souvent affaire à la ville et ne voulant pas que sa femme, dont il était très jaloux, vît personne, prenait soin de l'enfermer depuis le matin jusqu'au soir, de sorte qu'il me destina à l'honneur de divertir cette belle captive. Mais elle était occupée d'autres soins que de ceux de m'entretenir. Certains voisins qui l'aimaient depuis longtemps venaient sur le soir par le haut de la cheminée et se laissaient glisser jusqu'au bas, plus noirs qu'un démon. Les clés dont le jaloux était saisi ne servaient qu'à mettre son esprit en repos. Je craignais toujours quelque fâcheuse catastrophe lorsque les fées entrèrent par le trou de la serrure et ne surprirent pas médiocrement ces deux tendres personnes. « Allez en pénitence, leur dit-elle, en les touchant de leur baguette, que le ramoneur devienne écureuil, que la dame soit une guenuche, car elle est adroite, et que le mari qui aime tant à garder les clés de la maison devienne dogue pour 10 ans. « J'aurais trop de choses à vous raconter, madame, ajouta le serin, si je vous disais les différentes aventures qui me sont arrivées. Je suis obligé de me rendre de temps en temps au bois de la montagne, et je n'y viens guère sans y trouver de nouveaux animaux, parce que les fées continuent de voyager et que l'on continue de les irriter par des fautes infinies. Mais pendant le séjour que vous ferez ici, vous aurez lieu de vous divertir au récit de toutes les aventures des personnes qui y sont. » Plusieurs aussitôt lui offrirent de lui raconter les leurs quand elle voudrait. Elle les en remercia très civilement, et comme elle avait plus d'envie de rêver que de parler, elle chercha un endroit solitaire où elle put rester seule. Dès qu'elle l'eut marqué, il s'y éleva un petit palais, et on lui servit le plus galant repas du monde. Il n'était fait que de fruits, mais de fruits très rares. Les oiseaux les apportaient, et tant qu'elle fut dans ce bois, elle ne manqua de rien. Il y avait quelquefois des fêtes, plus agréables par la singularité que par tout le reste. On y voyait les lions danser avec les agneaux, les ours conter des douceurs aux colombes, et les serpents se radoucir pour des linottes. On voyait un papillon en intrigue avec une panthère. Enfin, rien n'était assorti selon son espèce, car il ne s'agissait pas d'être tigre ou mouton, mais seulement des personnes que les fées voulaient punir de leurs défauts. Ils aimaient la reine discrète jusqu'à l'adoration. Chacun la rendait arbitre de ses différends. Elle avait un pouvoir absolu dans cette petite république. Si elle ne s'était pas reproché sans cesse les malheurs de Serpentin Vert, elle aurait pu supporter les siens avec quelque sorte de patience. Mais lorsqu'elle pensait à l'état où il était réduit, elle ne pouvait se pardonner son indiscrète curiosité. Le temps étant venu de partir du bois de la montagne, elle en avertit ce petit conducteur, les fidèles serins, qui l'assurèrent d'un heureux retour. Elle se déroba pendant une nuit pour éviter des adieux et des regrets qui lui auraient coûté quelques larmes, car elle était fort touchée de l'amitié et de la déférence que tous ces animaux raisonnables lui avaient témoignée. Elle n'oublia ni la cruche pleine d'eau de discrétion, ni la corbeille de trèfle, ni les souliers de fer, et dans le temps où Magotine la croyait morte, elle se présenta tout d'un coup devant elle, la meule de moulin au cou, les souliers de fer aux pieds et la cruche à la main. Cette fée, en la voyant, poussa un grand cri. Elle lui demanda ensuite d'où elle venait. « Madame, lui dit-elle, j'ai passé 3 ans à puiser de l'eau dans la cruche percée, au bout desquelles j'ai trouvé le moyen d'y en faire tenir. » Magotine s'éclata de rire, songeant à la fatigue que cette pauvre reine avait eue. Mais la regardant plus attentivement, « Qu'est-ce que ceci ? » s'écria-t-elle. « Laideronnette est devenue toute charmante ? Où donc avez-vous pris cette beauté ? » La reine lui raconta qu'elle s'était lavée de l'eau de discrétion et que ce prodige s'était fait. À ces nouvelles, Magotine jeta de désespoir sa cruche par terre. « Oh, puissance qui me brave !» s'écria-t-elle. « Je saurai me venger. Préparez vos souliers de fer, » dit-elle à la reine. « Il faut que vous alliez aux enfers. Demandez à Proserpine de ma part de l'essence de longue vie. Je crains toujours de tomber malade et même de mourir. Quand j'aurai cet antidote, je n'aurai plus sujet de rien appréhender. Gardez-vous donc d'aller déboucher la bouteille, ni de goûter à la liqueur qu'elle vous donnera, car vous diminueriez ma part. » La pauvre reine n'a jamais été plus surprise qu'elle le fut de cet ordre. « Par où va-t-on, aux enfers ? » dit-elle. « Ceux qui y vont, peuvent-ils revenir ? » ?»« Hélas, madame, ne serez-vous point lasse quelques jours de me persécuter ? Sous quel astre suis-je née ? Ma sœur est bien plus heureuse que moi. Il ne faut plus croire que les constellations soient égales pour tout le monde. » Elle se prit à pleurer, et Magotine, triomphant de lui voir répandre des larmes, s'éclata de rire. « Allons, allons, » dit-elle, « ne différez pas d'un moment un voyage qui me doit apporter tant de satisfaction. » Elle lui emplit une besace de vieilles noix et de pain bis. Avec cette belle provision, elle partit, résolue de se casser la tête contre le premier rocher pour finir ses peines. Elle marcha quelque temps, sans tenir aucune route, tournant d'un côté, tournant de l'autre, et pensant que c'était un commandement bien extraordinaire de l'envoyer ainsi aux enfers. Quand elle fut lasse, elle se coucha au pied d'un arbre et se mit à rêver au pauvre serpentin, ne pensant plus à son voyage. Mais elle vit tout d'un coup la fée protectrice qui lui dit « Savez-vous, belle reine, que pour retirer votre époux de la sombre demeure où les ordres de Magotine le retiennent, il faut que vous alliez chez Proserpine ?»« J'irais encore plus loin, s'il m'était possible, » répliqua-t-elle. « Mais, madame, j'ignore par où descendre dans ce ténébreux séjour. » « Tenez, » dit la fée protectrice, « voici une branche de verdure. Frappez-en la terre et prononcez ces vers distinctement. » La reine embrassa les genoux de cette généreuse amie, puis elle dit « Toi qui sais désarmer le maître du tonnerre, amour, donne-moi du secours. Viens arrêter le cours des ennuis rigoureux qui déchirent mon âme. Ouvre-moi, tu le peux, le chemin des enfers. Dans ces lieux souterrains, tu fais sentir ta flamme. Pluton, pour Proserpine, a gémi dans tes fers. Ouvre-moi, tendre amour, le chemin des enfers. On m'arrache, lui, époux fidèle. Je ressens les rigueurs du plus terrible sort. Ma douleur est plus que mortelle, et je ne puis trouver la mort. » Elle eut à peine fini sa prière qu'un jeune enfant, plus beau que tout ce que nous voyons, partit du fond d'une nuée mêlée d'or et d'azur. Il volait et vint fondre à ses pieds. Une couronne de fleurs ceignait sa tête. La reine connut à son arc et ses flèches que c'était l'amour. Il lui dit en l'abordant « Vos soupirs se sont fait entendre, j'abandonne les cieux et viens sécher les pleurs qui coulent de vos yeux. Pour vous, je puis tout entreprendre. Vous reverrez l'objet que vous aimez le mieux. Rappelons Serpentin aux douceurs de la vie et punissons ainsi sa cruelle ennemie. » La reine, étonnée de l'éclat qui environnait l'amour et ravie de ses promesses, s'écria « Jusqu'aux enfers, je suis prête à vous suivre. Cet horrible séjour me paraîtra charmant si je revois l'amant sans qui je ne saurais plus vivre. » L'amour, qui parle rarement en prose, frappa trois coups en chantant merveilleusement bien ces paroles. « Terre, obéissez à ma voix. Reconnaissez l'amour. Ouvrez-nous un passage jusqu'au triste rivage où Pluton impose des lois. » La terre obéit, elle ouvrit son large sein, et par une descente obscure, où la reine avait besoin d'un guide aussi brillant que celui qui l'avait pris sous sa protection, elle arriva aux enfers. Elle craignait d'y rencontrer son mari sous la figure d'un serpent. Mais l'amour, qui se mêle de rendre quelquefois de bons offices aux malheureux, ayant prévu là-dessus tout ce qui était à prévoir, avait déjà ordonné que Serpentin Vert deviendrait ce qu'il était avant sa pénitence. Quelque puissante que fût Magotine, hélas, que pouvait-elle contre l'amour ? De sorte que la première chose que la reine trouva, ce fut son aimable époux. Elle ne l'avait jamais vu sous une figure si charmante. Il ne l'avait point vue non plus aussi belle qu'elle était devenue. Cependant, un pressentiment, et peut-être l'amour, qui se trouvait en tiers avec eux, leur fit deviner qui ils étaient. La reine aussitôt lui dit, avec une extrême tendresse, « Du destin en ces lieux, je viens fléchir la loi. S'il vous arrête ici par un ordre barbare, unissons nos cœurs, que rien ne nous sépare. L'enfer qu'on trouve plein d'effroi n'aura rien de triste pour moi. » Le roi, transporté de la plus vive passion, répondit à son épouse tout ce qui pouvait lui marquer son empressement et sa joie. Mais l'amour, qui n'aime pas à perdre du temps, les convia de s'approcher de Proserpine. La reine lui fit un compliment de la part de la fée et la pria de la charger de l'essence de longue vie. C'était proprement le mot du guet entre ces bonnes personnes. Elle lui donna aussitôt une fiole assez mal bouchée pour lui faciliter l'envie de l'ouvrir. L'amour, qui n'est pas novice, avertit la reine de se bien garder d'une curiosité qui lui serait encore fatale. Et sortant promptement de ces tristes lieux, le roi et la reine revirent la lumière. L'amour ne voulut plus les abandonner. Il les conduisit chez Magotine, et pour qu'elle ne le vît pas, il se cacha dans leur cœur. Cependant, sa présence inspira des sentiments si humains à la fée qu'encore qu'elle en ignora la raison, elle reçut très bien ces illustres infortunés, et faisant un effort de générosité surnaturelle, elle leur rendit le royaume de Pacodie. Ils y retournèrent sur le champ et vécurent avec autant de bonne fortune qu'ils avaient éprouvé jusqu'alors de disgrâces et d'ennuis. Souvent, un désir curieux est la source des maux les plus épouvantables. Sur un secret qui doit nous rendre misérables, pourquoi vouloir ouvrir les yeux? Le beau sexe a surtout cette audace cruelle, prenons-en à témoin la première mortelle. Sur elle, on nous a peint, et Pandore, et Psyché, qui voulant percer un mystère que les dieux, aux mortels, voulaient tenir caché, de vie turent les auteurs de leur propre misère, les deux renettes qui veut connaître Serpentin, éprouvent un semblable destin. L'exemple de Psyché ne peut la rendre sage. Hélas, de leur malheur passé, la plupart des mortels, curieux insensés, n'en fait pas un meilleur usage. Ici se termine Serpentin vert par Madame la Comtesse d'Aulnois.